بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a un truc que je comprends pas de la part des chrétiens, des juifs et de toutes les autres religions, particulièrement les chrétiens et les juifs, les monothéistes, c'est ce qui m'intéresse dans ce cas-là. Je ne comprends pas pour quelles raisons ils acceptent et ils valident tous les autres prophètes, des dizaines, voire des centaines de prophètes. Ils valident tous les autres livres, tous les autres écrits sacrés. Par contre, concernant notre prophète, le prophète de l'humanité, Mohammed alayhi salatu salam, il refuse de l'accepter en tant que prophète. Et les écrits du Saint-Coran, il refuse également de les valider et de les accepter en tant qu'écrits sacrés. C'est tout de même incroyable. C'est incroyable. Comment des dogmes comme le christianisme et le judaïsme, aussi pauvres spirituellement, aussi pauvres au niveau de la science, au niveau de leurs savants, peuvent rejeter une religion comme l'islam, qui est tout à fait extraordinaire, avec un livre d'une telle richesse comme celui qu'on a, le Coran al-Karim. Comment ça se fait qu'ils rejettent la prophétie du prophète alayhi salatu salam, qui a été étudié par les plus grands historiens et qui en sont venus à la conclusion que c'est la personnalité qui a influencé le plus toute l'histoire de l'humanité. Ça a été la personnalité la plus influente de toute l'histoire de l'humanité. Comment ça se fait qu'ils ne valident pas la prophétie du prophète alayhi salatu salam Mohammed, alors que c'est le prophète où il y a le plus de preuves de son existence? On connaît jusqu'à ses faits et gestes à travers la sunna, à travers tout ce qu'il a fait. Ses femmes, ses compagnons, ses habitudes, sa façon de marcher, sa façon de manger, sa façon de parler. Tout a été décrit le concernant. Tout a été prouvé historiquement. Contrairement aux autres prophètes. Je ne suis pas en train de remettre en question l'existence des autres prophètes. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Bien évidemment, je suis en train de faire une comparaison entre les preuves qui ont été trouvées sur le prophète Mohammed et les autres prophètes. Elles sont incontestables. Il y a un fossé énorme qui se crée entre Mohammed et les autres prophètes concernant les preuves de son existence. Donc comment ça se fait que les religions comme le christianisme et le judaïsme n'acceptent pas ce grand prophète, le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, n'accepte pas le Saint-Coran, le noble Coran? Comment ça se fait qu'il refuse d'accepter la vérité à ce point-là? Alors que si on lit bien la Torah, la Bible et le Coran, à 90%, le message est identique. Il y en a deux qui ont été modifiés, qui ont été sur lesquels il y a plusieurs versions, où les êtres humains sont passés par là, les textes ne sont pas divins, mais sont de sources humaines, à travers des gens pieux, des saints. Et le troisième est réellement un texte divin, un texte révélé, et des paroles d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré tout ça, le christianisme et le judaïsme refusent de reconnaître la religion islam, tout simplement. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça pitoyable, et je trouve que c'est un manque d'honnêteté intellectuelle, un manque de spiritualité, et un manque de, comment dire, pour moi, les chrétiens et les juifs, ce ne sont pas des chercheurs de vérité, c'est des menteurs, c'est des ignorants, voilà. Et ils osent se placer en tant que juges et ils osent mettre l'islam de côté alors que l'islam les dépasse de loin en spiritualité, en science. Contrairement à eux, nous reposons sur une science extrêmement puissante. Nous avons des chaînes de transmission, nous avons des savants authentiques, nous avons une méthodologie pour reconnaître le vrai du faux, nous avons une sunna, nous avons un texte qui n'a jamais été modifié, le Coran. Pas la moindre virgule. Nous avons le plus grand des prophètes, le sceau des prophètes, celui qui a le plus achevé sa mission jusqu'à nos jours. Que vous arrive-t-il à ne pas vouloir reconnaître la religion? des musulmans, alors qu'elle vous concerne. Vous savez que vous serez jugé le jour du jugement dernier par rapport à la dernière religion qui vous a été révélée. Vous savez que Allah Azawajal a décrété l'islam comme religion et que la vôtre sera rejetée. Vous êtes des gens de mauvaise foi et des ignorants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.